France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous. Steven Sondheim, le dieu vivant de la comédie musicale, écrit à propos de Oklahoma, la comédie musicale de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein. Le spectacle a tenté d'explorer les relations humaines de la même façon qu'une pièce de théâtre. Et ce n'était jamais arrivé auparavant dans une comédie musicale. Il y a donc un avant et un après Oklahoma, ce spectacle qui naît à Broadway en pleine Seconde Guerre mondiale, il y a précisément 75 ans, le 31 mars 1943. Un succès surprise phénoménal qui lance l'âge d'or de la comédie musicale. Ce matin, ce spectacle avec des cow-boys, des fermiers, mais pas d'indiens, est sur la grande affiche de la 42e rue, votre rendez-vous avec la comédie musicale chaque dimanche matin sur France Musique, avec des extraits de la version originale de 1943 qui vient tout juste d'être remasterisée. Mais je vous propose de débuter en rendant hommage, alors non pas à un auteur de comédie musicale, mais certainement au plus grand réalisateur de dessins animés japonais, c'est Libération qui le disait hier, Isao Takahata. Roi du réalisme, réalisateur du Tombeau des Lucioles, rien à voir donc avec la comédie musicale, et pourtant, à la fin de son génial Mes voisins les Yamada, une sorte de Snoopy japonais, ses personnages reprenaient ensemble ceci. Coupe-toi les cheveux plus ras, on verra moi ta calvitie. De quoi je me mêle? Et vous, le dentier, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? De quoi je me mêle? Ça suffit, arrêtez tous les deux. Et toi, t'es devenu tellement grosse que tout est bourrelé, n'en feront bientôt plus qu'un. Oh, ça, c'est vrai. Comment? Et ben voilà, avec vos disputes ridicules, quel exemple pour les enfants. On n'entend même plus la télé. J'ai compris pourquoi nous vivons tous en harmonie. C'est parce que vous êtes tous plus tordus les uns que les autres. Comment? Attends un peu. Évidemment, si l'un de vous trois était normal, l'équilibre serait rompu. Que sera, sera. Naruyo ni naru. Mirai wa mienai. Otanoshimi. Que sera, sera. Et vous, madame, c'est quoi votre résolution? Trouver un mari? Changer de métier? Laissez-moi tranquille. Voilà mon vœu. Ne pas en faire trop. Voilà ce que je veux. Que sera, sera. Que será, será, que será. L'ouverture d'Oklahoma en 1943 sur la scène du St. James Theatre à New York. Un spectacle inédit et totalement nouveau pour l'époque. Une vraie pièce de théâtre où, comme le disait un journaliste, les chansons, les danses, l'histoire sont mélangées de façon triomphale. Oklahoma, ça se déroule en 1907 sur un territoire jusqu'ici dévolu aux Indiens. Les Américains ont peu à peu envahi le continent américain, déplacé les Amérindiens dans ce petit lopin de terre situé au nord du Texas. Mais depuis 15 ans, il ne s'agit plus d'un territoire indien non plus. Les cow-boys ont conquis ce dernier morceau de terre et s'installent en tant que fermiers. Il n'y aura pas d'indiens dans cette comédie musicale Oklahoma, seule fausse note de ce spectacle au réalisme pourtant exemplaire à Broadway. La comédie musicale, en fait, est inspirée d'une pièce de théâtre créée avec peu de succès dans les années 30 par la Guild Theatre, une société privée de théâtre qui avait notamment produit Porgy and Bess de George Gershwin, une pièce intitulée Green Grow the Lilacs, une plongée donc dans ce territoire américain tout neuf où deux cow-boys s'affrontent pour sortir avec une jolie fermière, deux cow-boys dont un personnage de méchant rarement vu dans une comédie musicale. En 1942, la Guilde avait déjà tenté de remonter la pièce de théâtre en l'allégeant. On avait ajouté quelques chansons country, un ballet chorégraphié par Gene Kelly. Et puis, cette compagnie a l'idée d'en faire donc une comédie musicale. Elle propose le projet au compositeur Richard Rodgers et à son parolier Lawrence Hart. On leur doit de nombreux succès à Broadway au cours des 20 dernières années et des standards comme My Funny Valentine. Mais Lawrence Hart ne veut pas écrire d'histoire de cow-boy. Lui, l'urbain, trouve ça trop provincial, trop campagnard. Richard Rodgers est dans l'obligation de mettre fin à ce partenariat de 25 ans. Il va s'associer à Oscar Hammerstein, le librettiste, le parolier de Showboat, un peu dans le creux de la vague depuis 10 ans. Leur exigence, conserver intégralement l'esprit de la pièce de théâtre, quitte à reprendre dans les chansons les dialogues. Et comme la pièce est très profil bas, non prétentieuse, et qu'ils veulent, pour une fois dans une comédie musicale, mettre la pièce au centre et la technique à son profit, il décide par exemple de ne pas ouvrir le spectacle par un grand numéro de fille qui lève la jambe dans le Far West, mais comme dans la pièce, par l'entrée sobre du héros, le cow-boy Curley, qui chante à tue-tête la beauté du paysage, la douceur de vivre et les champs de blé riants. Le public est séduit au premier abord. Voici Nelson Eddy dans un enregistrement en 1959 de Oklahoma, et franchement, en tout cas sur Paris, ça marche parfaitement ce matin. Oh, mais quelle matinée! Sounds of the earth are like music. All

Des danses western dans Oklahoma, il y en aura, mais il faudra attendre la fin du premier acte et une bataille entre les deux cow-boys prétendants pour l'entendre. C'était dans ce numéro, chorégraphié par Agnès DeMille, la nièce de Cécile B. DeMille, The Farmer and the Cowboy, un extrait de la production de 1980 à Broadway avec Laurence Guitard, Christine Andreas et Marie Wickes. 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. Je vous disais que Oklahoma avait signé le début de l'âge d'or de Broadway en 1943. Il faut bien dire que peu de monde y croyait. Un producteur qui avait été voir le spectacle avant son arrivée à New York avait même télégraphié « pas d'humour, pas de jolie fille, aucune chance ». Alors c'est vrai que Oklahoma se situait dans une Amérique rurale, c'était rare pour un spectacle qui arrivait à Broadway. Et pourtant, Oscar Hammerstein, le parolier, le librettiste, Richard Rodgers, le compositeur, avaient parfaitement préparé leur coup. Depuis Showboat, Oscar Hammerstein, d'abord, lui, continuait de vouloir apporter du sérieux à la comédie musicale, lui ôter son image d'opérette, à l'européenne, en finir avec l'évasion rose-bonbon. Pour adapter la pièce de théâtre, les deux auteurs travaillent ensemble durant des mois. Ils analysent la pièce initiale, Green Grow the Lilacs, réfléchissent à la structure et reprennent parfois des dialogues entiers. Et la méthode est toujours la même. Oscar Hammerstein écrit alors à la fois les dialogues, le livret et les paroles, ce qui restera encore aujourd'hui dans la comédie musicale. Et puis ensuite, il donne les paroles à Richard Rodgers, qui généralement réussit à écrire les morceaux très rapidement. Je crois qu'il lui faut 5 heures en tout et pour tout pour composer toute la partition. Mais c'est parce que tellement il est immergé dans l'esprit du spectacle et tellement il a travaillé qu'il est maintenant désireux de faire chanter ses personnages. Ainsi, lorsque le cow-boy invite Loret, la fermière, et sa tante à partir ensemble en carriole. C'est une pure chanson de charme qui donne envie aux spectateurs d'aimer ces personnages et qui fait entendre même le mouvement de la carriole. Son titre est emprunté à la pièce de théâtre « The Surrey with a Fringe on the Top », la carriole avec une frange au-dessus. Cette fois, c'est Hugh Jackman en 1999 qui interprétait le cow-boy. When I take you out tonight with me, honey, here's the way it's gonna be. You will sit behind a team of snow-white horses in the slickest gig you ever see. Wilds. Chicks and ducks and geese better scurry when I take you out in the Surrey. When I take you out in the Surrey with a fringe on top. Watch that fringe and see how it flutters when I drive them high-stepping strutters. Nosy pokes all peek through the shutters and their eyes will pop. The wheels are yellow, the upholstery's brown, the dashboard's genuine leather. With eyes and glass curtains you can roll right down in case there's a change in the weather. Two broad side lights winking and blinking, ain't no finer rig I'm a-thinking. You can keep your rig if you're thinking that I'd get a swap for that shiny little sorry with a fringe on the top. Would you say the fringe was made of silk? Oh, wouldn't have no other kind but silk. Has it really got a team of snow? One's like snow, the other's more like milk. All the world'll fly in a flurry when I take you out in the Surrey. When I take you out in the Surrey with a fringe on top. When we hit that road, help a leather, cha! Cats and dogs will dance in the heather. Birds and frogs will sing all together, and the toads will pop. The wind will whistle as we rattle along. The cows will moo in the clover. The river will ripple at a whispered song. And whisper it over and over. Don't you wish you'd go on forever? Don't you wish you'd go on forever? Don't you wished you'd go on forever and it never stop in that shiny little Surrey with a fringe on the top. It sure feel like a queen sitting up in that carriage. Only she talked so mean to me a while back, Aunt Elra, I'm a good mind not to take you.

romance behind me. Many a new day will dawn before I do. Never have I chased the honeybee who carelessly cajoled me. Somebody else just as sweet as he cheered me and consoled me. Never have I wept into my tea over the deal someone told me. Many a new day will dawn, many a red sun will set, many a blue moon will shine before I do. Oklahoma et des chansons qui expriment ces différents personnages. À l'instant, c'était le personnage de Laurel, la jolie fermière créée en 1943 par John Roberts, et cette chanson « Many a New Day ». Si tout le monde pensait que Oklahoma serait un flop, c'est que le producteur, la guilde du théâtre à New York, était aussi financièrement mal en point et ne pouvait se permettre d'embaucher des stars. De toute façon, les auteurs préféraient des chanteurs qui savaient jouer aux acteurs qui savaient chanter. Et on avait par exemple décliné Groucho Marx pour un des rôles. On va se replier sur des acteurs inconnus, ou presque qui connaîtront le succès avec cette œuvre, comme donc c'est John Roberts, qui avait joué 2 ans plus tôt dans un flop de Oscar Hammerstein et Zygmunt Rauberg, Sunny River. Pour adapter Green Grows Lilacs en comédie musicale, Oscar Hammerstein reste fidèle à la pièce, on l'a dit, mais il ajoute pour alléger le contenu un second couple plus humoristique. Et c'est une formule qui sera reprise dans toutes les comédies musicales, qui va permettre aux acteurs principaux d'ailleurs de se reposer entre-temps en coulisses. On ajoute donc ici le personnage de Ado Annie, une jeune fille qui hésite entre 2 garçons. Le personnage est interprété à sa création en 1943 par une jeune fille qui passe en fait une audition. Elle s'appelle Celeste Holm. Écoutez-la dans une grande émission de variété de 1955 à la télévision, le Ed Sullivan Show. Ça s'intitule I Can't Say No. It ain't so much a question of not knowing what to do. I know what's right and wrong since I've been 10. I heard a lot of stories and I reckon they are true about how girls are put upon by men. I know I mustn't fall into the pit, but when I'm with a feller, I forget. I'm in a terrible fix. I always say, come on, let's go, just when I ought to say things. When a person tries to kiss a girl, I know she ought to give his face a smack. But as soon as someone kisses me, I somehow sort of want to kiss him back. I can't be prissy and quaint. I ain't the type that can faint. How can I be what I ain't? I can't say no. What you gonna do when a feller gets flirty, starts to talk pretty? What you gonna do? Supposing that he says that your lips are like cherries or roses or berries, what you gonna do? Supposing that he says that you're sweeter and cream and he's gotta have cream or die, what you gonna do when he talks that way, spit in his eye? I'm just a girl who can't say no, can't seem to say it. Paying a call. For a while I act refined and cool. I'll for him what he would do for me. I can't resist a Romeo in a sombrero and chaps. Soon as I sit on their laps, something inside of me snaps. I can't. Kissing's my favorite food. With or without the mistletoe, I'm in a holiday mood. Other girls act coy and hard to catch, but other girls ain't having any fun. Every time I lose a wrestling match, I get a funny feeling that I won. Undertow, I never make a complaint till it's too late for restraint. And then when I wanna can't, I can't. Up stories that link my name with yours. Why do the neighbors gossip all day behind their doors? I have a way to prove what they say is quite untrue. Here is the gist, a practical list of don'ts for you. Don't throw bouquets at me. Don't please my folks too much. Don't laugh at my jokes too much. People will say we're in love. Don't sigh and gaze at me. Your sighs are so like mine. Oklahoma est ce matin sur la grande affiche de la 42e rue à France Musique, la première comédie musicale de l'âge d'or de Broadway en 1943, il y a exactement 75 ans, avec une chanson d'amour magnifique où on se dit, soit dit en passant, qu'on s'aime sans se le dire. Rodgers et Hammerstein étaient les rois de cette figure de style. Loret, qui a choisi l'autre cow-boy pour le bal, par contrainte, convainc Curly, l'autre cow-boy, que c'est pour le mieux. Sinon, les gens au bal auraient dit que Curly et Loret étaient amoureux. People will say we're in love. Les créateurs du rôle en 43, c'était John Roberts et à l'instant aussi Alfred Drake. Si Oklahoma était nouveau, était différent en 1943, un critique avait même écrit « Oklahoma est magnifiquement différent », c'est qu'on avait fait appel à un metteur en scène important, Ruben Mamoulian, qui avait mis en scène Porgy and Bess 10 ans plus tôt. Et c'est aussi parce que Richard Rodgers a accouché d'une partition parfaitement modelée au moment. Écoutez par exemple cet air, bien sombre et franchement difficilement imaginable dans une comédie musicale, le monologue de l'adversaire, Judd, le cow-boy, qui se jure de faire de Loret sa fiancée. Un enregistrement de 52 par Lee Cass. The floor creaks, the door squeaks, there's a field mouse nibbling on a broom, and I sit by myself like a cobweb on a shelf, by myself in a lonely room. But when there's a moon in my window, and it slants down a beam across my bed, then the shadow of a tree starts a-dancing on the wall, and a dream starts a-dancing in my head. And all the things that I wish for turn out like I want them to be. And I'm better in that spot, Alec Cowan, who thinks he's better in me. Keep me warm, and her long yellow hair folds across my face just like the rain in a storm. The floor creaks, the door squeaks, and the mouse starts nibbling on the broom. And the sun flicks my eyes, it was all a pack of lies. I'm awake in a lonely room. I ain't gonna dream about her arms no more, I ain't gonna leave her alone. Going outside, get myself a bride, give me a word and France Musique, 42e rue, Laurent Vallière. Dernière grande nouveauté en 43 dans Oklahoma, des danses complètement intégrées. Des ballets dans des comédies musicales, on avait déjà vu cela dans On Your Toes en 1936. Georges Balanchine avait chorégraphié un ballet de 10 minutes, une sorte d'histoire dans l'histoire du spectacle. Mais là, avec Oklahoma, les ballets font partie complètement de l'intrigue. Et le plus long de 15 minutes intervient lorsque l'héroïne hésite à propos du cow-boy à choisir pour aller au bal. Elle chante et puis elle illustre cette dualité dans un ballet interprété par des danseurs professionnels et chorégraphié par Agnès Demille, danseuse contemporaine qui venait de terminer un ballet dans un décor campagnard similaire sur la musique de Aaron Copland, une pièce intitulée « Rodeo ». Eh bien, ça sera avec Oklahoma le premier de ses ballets « Rêve ». Les ballets rêves qu'on retrouvera souvent à Broadway, même dans West Side Story, lorsque le héros ou l'héroïne se met à rêver d'un monde meilleur. Voici ce ballet, un bout, dans la magnifique orchestration symphonique de l'adaptation du spectacle à Hollywood dans les années 50, mais juste avant, pour le plaisir, la chanson qui a introduit le ballet en version française, interprétée par André Massary, qu'a déniché pour nous Romain Couturier de la discothèque de Radio France. Alors ça s'appelle pas Out of My Dreams, mais Loin de mes rêves, adaptation en français, Jacques Plante. Thank you. je voudrais être dans tes bras. Je viendrai comme un beau soir dont on sait qu'il viendra. Loin de mes rêves, perdus dans l'ombre douce, douce d'une nuit de joie où luit la lune rousse, je laisserai loin mes rêves pour mieux rêver de toi. Je ne vivrai plus de mes mensonges, à quoi bon? À mes illusions, à mes vieux songes, j'ai dit non. Dans un autre monde, je me plonge, plus réel que ce ciel qui scintille autour de notre amour. Loin de mes rêves, je voudrais être dans tes bras. Je viendrai comme un beau soir dont on sait qu'il viendra. Loin de mes rêves, perdus dans l'ombre douce, douce d'une nuit de joie où luit la lune rousse, je laisserai loin mes rêves pour mieux rêver de Le ballet Out of My Dreams que vous pouvez revoir intégralement sur l'adaptation au cinéma de Oklahoma et avec les chorégraphies originales de Agnès Demille et puis auparavant André Dasari, Loin de mes rêves. Oklahoma, le spectacle s'intitulait au début Away We Go, du nom d'une manière de danser les danses folkloriques dans le Far West. Il se terminait par la fondation de l'État de l'Oklahoma et le mariage de Curly et de Loret. Durant les répétitions, en fait, on trouvait qu'il manquait une chanson qui dénomme le lieu où se déroule l'histoire. Et on va créer Oklahoma, un air qui ravira le public et deviendra l'hymne d'ailleurs officiel de cet état. Un succès tel d'ailleurs qu'on décide de prendre ce titre pour le show en lui ajoutant un point d'exclamation. Avec sa structure narrative, ses chansons, ses danses qui s'enchaînent merveilleusement, le spectacle Oklahoma séduit, le public est transporté dans ces plaines américaines, il restera plus de 5 ans à l'affiche, tournera à travers les États-Unis et dans le monde, et depuis elle est reprise régulièrement. Elle fait finalement partie du patrimoine américain, c'est un véritable folk-opéra. Voici cette chanson-titre interprétée par le John Wilson Orchestra, avec notamment Sierra Bogess et Julian Ovenden. They couldn't pick a better time to start in life. It ain't too early and it ain't too late. Starting as a farmer with a brand new wife. Soon be living in a brand new state. Brand new state, gonna treat you great. Gonna give you barley, carrots and potatoes. Pasture for the cattle, spinach and tomatoes. Flowers on the prairie where the June bugs zoom. Plenty of air and plenty of room. Plenty of room to swing a rope. Plenty of heart and plenty of hope. Oklahoma, where the wind comes sweeping down the plain, and the waving wheat can sure smell sweet when the wind comes right behind the rain. Oklahoma, every night my honey lamb and I sit alone and talk and watch a hawk making lazy circles in the sky. We know we belong to the land, and the land we belong to is grand. And when we say, yeah! Hi-yip, hi-yip, yeah! We're only saying you're doing fine, Oklahoma, Oklahoma, okay. La version remasterisée d'Oklahoma de 1943 sera rééditée chez Decca le mois prochain et c'est un enregistrement historique parce qu'il s'agissait du premier des original Broadway cast. Pour la première fois, en fait, on faisait venir dans un studio le cast, l'orchestre au complet d'une comédie musicale à l'affiche et on recréait devant des microphones l'atmosphère du spectacle. C'était un coffret de 5 disques de 78 tours paru chez Decca sous la houlette du producteur Jack Capp et qui allait se vendre à des millions d'exemplaires. Un album qui va ressortir en version remasterisée le mois prochain sous la houlette de notre ami Didier Deutsch à New York qui nous a offert ce matin quelques beaux extraits. Autre nouveauté discographique en partenariat avec France Musique, un très bel album intitulé Bernstein on Broadway en cette année du centenaire de la naissance du compositeur de West Side Story avec au programme de ce CD des extraits de ses comédies musicales On the Town, Candide et West Side Story. Et bien j'ai quelques exemplaires devant moi à vous offrir pour tenter de les recevoir et d'être tiré au sort. Vous avez jusqu'à mercredi soir pour tout simplement nous envoyer un mail. Vous allez sur la page de 42e rue sur francemusique.fr et vous cliquez sur l'onglet contact et vous indiquez l'adresse à laquelle vous l'envoyez ce CD. Extrait par exemple de On the Town, Tyne Daly, chauffeuse de taxi très chaleureuse. Le London Symphonic Orchestra sous la direction de Michael Tilson Thomas. My father told me, Chip, my boy, there'll come a time when you leave home. If you should ever hit New York, be sure to see the Hippodrome. The Hippodrome! The Hippodrome. Did I hear right? Did you say the Hippodrome? Yes, you heard right. Yes, I said the Hippodrome. what did you stop for? It ain't there anymore. Aida sang an A and blew the place away. Oh, I wanted to see the Hippodrome. Give me a chance, kid. I may not have 5,000 seats, but the one I have is a honey. Come up to my place. Oh, no, lady. The Forest Theater. When I was home, I saw the plays, the ladies' drama circle showed. Now I am here, I wanna get some tickets for Tobacco Road. Tobacco Road! Tobacco Road. Did I dig that? Did you say Tobacco Road? Yes, you dug that. Yes, I said back! Hey, what for did you stop? That show has closed up shop. The actors flashed their feet and called it Angel Street. Oh, I wanted to see Tobacco Road. Stick with me, kid, and I'll show you the road to ruin. Come up to my place. Oh, no. Battery Park. Back home, I dreamt of catching fish so big I couldn't carry them. They told me that they have my size right here in the aquarium. Aquarium! Aquarium. Hold the phone, Joe. Did you say aquarium? I'm still ringing, but I said aquarium. Stop for what, hey? The fish have flown away. They're in the Bronx instead. They might as well be dead. Come up to my place. No, Chambers Street. They told me I could see New York in all its spreading strength and power from the city's highest spot atop the famous Woolworth Tower. The Woolworth Tower! The Woolworth Tower. Beat me, Daddy! Did you say the Woolworth Tower? I won't beat you, but I said the Wool! Did you stop for a what? That ain't the highest spot. You're just a little late. We got the Empire State. Let's go to my place. Let's go to Cleopatra's Needle. Let's go to my place. Let's see Wanamaker's store. Let's go to my place. Let's go to Lindy's, go to Luchow's. Go to my place. Let's see Radio City and Herald Square. Let's go to my place. The Rubens. Go to my place. The Macy's. Go to my place. The Roxy's. Go to my place. Cloisters. My place. Naples. My place. And my place. Building. My place. My place. Kurt Holman, Tyne Daly, On The Town, pour remporter ce CD Bernstein on Broadway, une seule adresse, francemusique.fr, la page 42e rue. Dans l'actualité des comédies musicales, voici une œuvre surprenante au tout petit théâtre de la Huchette dans le quartier latin de Paris. Fabien Richard, l'ex-MC de cabaret aux Folies Bergères, Marion Préité, qu'on adore, qu'on a eu le plaisir de recevoir en septembre, Cyril Romoli, vu dans la comédie musicale Mistinguette, crée Comédien, une histoire sombre finalement inspirée d'un fait divers réel autour d'une troupe de comédiens à la sortie de la Seconde Guerre mondiale avant une représentation à laquelle un des acteurs s'est fait porter pâle. C'est doux, c'est drôle, avec des personnages très titi parisiens de l'après-guerre dans leur Marcel et leur tempérament franc du collier et des chansons signées Raphaël Bancou, tour à tour, jazz ou grivoise. Voici un extrait car monter un spectacle dans un tout petit théâtre, c'est parfois acrobatique. Le décor y rentre pas. Qui c'est qui l'a dans le baba? La toile peinte, elle rentre plus. Qui c'est qui l'a dans le... Mais comment c'est qu'on va faire? C'est ce qui s'appelle une vraie galère. Au diable vos verres, ce soir c'est complet. Il met le décor, il peut pas rentrer. Au diable vos verres, ce soir c'est complet. Faudra qu'ils imaginent l'étoile suspendue. Faudra qu'ils imaginent aussi tous mes aigus. comédien à découvrir au Théâtre de la Huchette à Paris. Plus d'infos sur la page de 42e rue, sur francemusique.fr. Vous retrouverez la programmation de l'émission, l'onglet contact pour nous écrire et tenter de gagner l'album Bernstein on Broadway. Vous retrouverez aussi les vidéos de nos concerts et en particulier celui de la semaine dernière avec la troupe de Opéra Porno et celle de Hairspray, le prochain cabaret 42e rue. Il aura lieu le 6 mai. Nous aurons la chance de recevoir le Duke Ellington Orchestra de Laurent Mignard et sa revisite de Mary Poppins. Vous le savez, cette rue est la vôtre. Vous n'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos commentaires, suggestions. Tout est à votre disposition, la page Facebook de 42e rue et le Twitter avec le hashtag 42 rue. 42e rue, Laurent Vallière, Christophe Dilis, Martine Moni, Yanis Djoudad, Fabien Fleura. On vous souhaite un très bon dimanche. Rideau. À réécouter sur francemusique.fr.